بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Donc nous sommes toujours dans le sixième chapitre du livre, donc qui s'intitule Bab Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah. Donc on a dit que les ulama ils appellent ça Adfu al-Dal ala al-Madloul. C'est-à-dire que الدال c'est اللفظ c'est كلمة الإخلاص لا إله إلا الله والمدلول المعنى التفسير c'est-à-dire التوحيد c'est-à-dire que التوحيد c'est le sens de لا إله إلا الله لا إله إلا الله c'est les mots التوحيد c'est son sens donc l'unicité d'Allah جل وعلا dans l'adoration le fait qu'Allah سبحانه وتعالى lui seul mérite l'adoration et le rejet de toute autre divinité et de toute autre adoration vouée à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit à maintes reprises, donc ça c'est très important comme on va le voir inshallah aujourd'hui à la fin du chapitre dans le hadith que le Cheikh rahmatullah alayhi, le Cheikh Mohammed il a cité dans le matin dans Kitab al-Tawhid, c'est que cette shahada elle revient à plusieurs reprises dans le Coran et dans la Sunna, soit par ses mots soit par son sens. Et c'est comme ça qu'on comprend que le but de ces mots-là, c'est la prononcer, mais en connaissant son sens et en le mettant en application. Et donc ça, c'est une réponse. C'est en même temps, ces versets-là montrent en même temps le sens de la ilaha illallah et répondent aussi à ceux qui prétendent que, comme beaucoup de gens aujourd'hui, prétendent que le fait de prononcer cette shahada constitue en quelque sorte une protection et un genre de droit qui fait que la personne ne peut jamais sortir de l'islam et donc que qu'en aucun cas il est imaginable d'appliquer sur lui les ahkam qui sont liés à ridda, à l'apostasie, que ce soit dans la dunya ou dans l'akhira. Le shir il a cité plusieurs Dalil, plusieurs versets dans ce chapitre-là. On avait vu qu'il a commencé par citer des versets qui concernent shirk du'a, donc le shirk dans la vocation, et plus particulièrement concernant les versets qu'il a cités qui concernent l'adoration que portaient ou que portent toujours les mushrikin ou as-salihin, que ce soit des prophètes, des anges ou des gens pieux, de manière à montrer ce que le shirk veut montrer. C'est que le shirk dans la vocation n'est pas exclusif à la vocation de statues ou de choses inertes, mais que ça concerne aussi, quoi, que ça concerne aussi, salihin. Donc ça, c'est pour répondre aux Quburiyyin. Quburiyyin, c'est-à-dire les gens qui ont pris les tombes comme lieu de recueillement et comme lieu d'adoration et qui sont allés jusqu'à ça, le fait de faire ça, ça les a poussés, comme on verra dans le livre, ça les a poussés. C'est ça qui les a poussés au final à adorer l'occupant de la tombe. Et ça, c'est lié directement à ce dont on a parlé juste il y a quelques instants. C'est que ces gens-là, les Quburiyyin et les Quburiyyin aujourd'hui, le fait de dire qu'ils sont mushrikin kuffar ou qu'ils sont murtaddin, qu'ils sont sortis de l'islam, ça constitue pour la majorité des gens une parole qui est semblable à la parole de l'Khawarij, le fait de kafar le muslimin. Donc le shir, il a voulu montrer, que ce soit dans ce chapitre-là du livre, ou dans tout le livre, ou dans d'autres livres à lui, que celui qui commet du shirk, il n'est pas muslim, il n'a pas accompli cette shahada, il n'a pas accompli le sens de cette shahada-là, et le fait de prier, de jeûner ou de, ça ne lui sert à rien, à partir du moment où il a commis le shirk akbar. Même s'il dit « La ilaha illallah », comme on va le voir à la fin du chapitre, incha'Allah. Ensuite, il a cité le verset de Surat al-Zukhruf, lorsque Ibrahim il s'est désavoué de l'adoration de son peuple et il a affirmé son adoration seule et unique pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que ce verset-là, il montre le sens de « La ilaha illallah » mutabaqatan, mutabaqatan, c'est-à-dire son sens complet. Avec ces deux piliers, An-Nafi wa al-Ithbat, l'adoration d'Allah seul et le rejet de toute autre divinité, ce qu'Allah Jalla wa Ala il appelait dans son livre Tarut. كفر بالطاغوت والإيمان بالله هو عبادة الله واجتناب الطاغوت. Ensuite, le Cheikh, il a cité le verset de Surat al-Tawbah pour montrer que, pour éclaircir le shirk dans l'obéissance, shirk al-ta'a, et de montrer que rentre dans la ilaha illallah, dans kalimat al-ikhlas, rentre le fait que seul Allah mérite d'être obéi, que seul lui seul doit être obéi, et que n'importe qui obéit à une autre législation que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis une forme de shirk. Et donc que le shirk, il ne se réduit pas à se prosterner ou à sacrifier pour un autre qu'Allah Jalla wa'ala, mais n'importe qui obéit à une loi forgée. Encore une fois, on avait cité les sifat de cette loi-là, de ce qui fait le shirk, shirk fi ta'a. C'est une loi globale, générale, donc qui est adressée à tout le monde, qui a, comme ils disent les ulama, quwwatul ilzam, c'est-à-dire qui est imposée, et à laquelle est rattachée une punition à celui qui désobéit. Ça, ces sifat-là, c'est les sifat de la loi d'Allah Jalla wa'ala. Comme on avait cité la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, celui qui fait ça, il s'est mis à l'égal d'Allah Jalla wa'ala, et celui qui lui obéit, il a mis cet obéi-là à l'égal d'Allah Jalla wa'ala, et il est comme celui qui a cru en la prophétie de Musaylimat al-Kadhdhab. Lorsque ceux qui l'ont pris comme prophète avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant une législation qui n'est pas la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a dit que al-ta'a, shirk al-ta'a, comme on le verra encore dans le livre, que ce soit shirk al-ta'a ou shirk al-tahakum, tout ce qui est lié à hukum, c'est lié à la fois à la première shahada, mais aussi à la deuxième. C'est ce qu'Allah jalla wa ala dit, فَلَوْ رَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ. Ils ne croiront pas tant qu'ils ne te prennent pas ou qu'ils ne t'ont pas mis comme juge, c'est-à-dire comme législation. Celui qui prend une autre législation, il n'a pas pris comme seul législateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk. Ensuite ici on va voir que le shirk, il a cité un verset pour éclaircir et montrer une autre forme de shirk et qui en réalité est la base de tous les autres, comme on va le voir, qui est shirk fil mahabba, le shirk dans l'amour. On a dit que la base de l'adoration, c'est quoi? C'est constitué de deux choses, comme on va le voir dans les vers de poème d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, que les deux piliers de l'adoration, c'est le hub ou le dhul. Le hub, l'amour, le mahabba, l'amour, mais un amour bien spécial, un amour qui implique l'humiliation, le fait de se rabaisser. Encore une fois, l'amour, il est de plusieurs sortes. Tout amour n'est pas shirk, puisque le fait qu'un père aime son fils, ou qu'un fils aime son père, ou qu'un homme aime sa femme, ou d'autres choses, ou qu'un musulman aime son frère en islam, tout ça, c'est un amour, ce que les ulama, ils appellent ça, يعني الحب والمحبة المشتركة. Ça, c'est un amour qui existe entre les êtres, mais c'est pas un amour, ça rentre pas dans la glorification ou dans le fait de s'humilier, de se rabaisser. C'est pour ça que l'amour, par exemple, que porte un fils à son père ou un parent à ses enfants, c'est un amour, certes, mais qui n'entraîne pas le fait de s'humilier, de se rabaisser pour lui. Ça, cet amour-là, c'est un amour qui doit être exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui met un égal à Allah jalla wa ala dans cet amour-là, il a égalé Allah subhanahu wa ta'ala dans cet amour-là. De la même manière, quelqu'un qui se rabaisse devant un autre ne l'aime pas forcément, à l'image de quelqu'un qui est sous le commandement d'un tyran, d'un tarout ou d'un hakim zalim, et qui se rabaisse alors que dans son cœur il le déteste. Parce qu'il est en état de faiblesse ou autre, ça c'est pas non plus de l'adoration. Donc le shir ici de ce verset-là, donc le verset de surat al-Baqara, Allah Jalla wa Ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. La suite du verset, c'est وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et si on va au bout des versets, Allah Jalla wa Ala dit وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Donc comme on va voir, la fin des versets, وما هم بخارجين من النار, et ceux-là qui ont pris des égaux à Allah en les aimant comme on aime Allah Azza wa Jal, ceux-là ne sortiront pas du feu. Ce qui montre que c'est un shirk akbar. Et comme il va le dire, ce shirk-là, en réalité, c'est la base de tout autre shirk. Toute adoration qui est vouée à un autre qu'Allah Jalla wa Ala, sa base, c'est quoi? C'est le hub, le mahabba. C'est pour ça que quelqu'un peut dire, et comment on sait que quelqu'un il a commis ce shirk-là? Parce que le mahabba, à la base, c'est un acte du cœur. C'est un acte qui se passe dans le cœur. C'est pas quelque chose qui se voit. C'est pas quelque chose qui se voit à l'extérieur. Mais lorsqu'on sait que l'amour, c'est la base de l'adoration, c'est que n'importe quelle adoration, qu'elle soit qawliya par la parole ou fi'aliya par les actes, on sait que ce qui a poussé cette parole de shirk ou cet acte de shirk, c'est l'amour pour cet autre qui a été pris comme adoré en dehors d'Allah Jalla wa'ala. Celui à qui cette personne-là, ce mushrik-là a voué l'adoration, la base de son shirk, c'est l'amour qu'il a porté pour ce qui l'a poussé à commettre cette adoration-là envers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on va le voir après, on va citer la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah. Donc ici, wa min al-nas, le Cheikh Ibn Qasim al-Muhashi yaqul wa min lit-tab'id, c'est-à-dire parmi les gens. Il dit ay fariq min al-nas. وقد ذكر حال المتخذين الأنداد على سبيل الذم فإنه ذكر حال المشركين حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظرا يعبدونهم معا ويحبونهم كحب الله أي يسوونهم في المحبة المقتدية الذل للمحبوب والخضوع له كحب الله تعالى وهو الله لا إله إلا هو لا ضد له ولا ند له ولا شريك له وكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله غربة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله تعالى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والذين آمنوا ثم يقول الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ولحبهم له وتمام معرفتهم به لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده. ثم توعد المشركين فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يقول لو علموا ما يعينونه هنا أما يحل بهم من الأمر الفظيع على شركهم لانتهوا عما هم فيه من الضلالة. Donc من التبعيد, c'est-à-dire parmi les gens, فمن الناس. Et ici, Allah Jalla wa'ala, il a cité ces gens-là qui prennent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala en les aimant comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala, ici, il les réprimande. Il les critique, them. Et le sens de un nid, c'est un égal, un semblable. Et ils les ont pris dans quel sens? Comme semblable, comme identique, c'est dans, évidemment, dans l'adoration. Pas dans la seigneurie. On sait que les mouchriquins, d'une manière globale, jamais ils ont pensé, ils ont cru qu'un autre qu'Allah Jalla wa'ala crée, ou qu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala détienne le pouvoir de faire du bien ou de repousser un mal. Jamais ils ont pensé ça. Mais ils les ont pris, comme on sait, comme intermédiaires. Ils les ont pris comme intermédiaires en leur donnant certaines sortes d'adorations qui sont poussées par l'amour, encore une fois. Et ici, comme il le dit, c'est très important de ne pas confondre les choses. Ay yusawunahum fil mahabbati al-muqtadiyati al-dhul lil mahbub. C'est-à-dire, c'est un amour qui implique le fait de se rabaisser, de s'humilier pour celui qui est aimé, pour l'aimer. C'est pas n'importe quel amour, yani, comme on a dit avant. Même par exemple, quelqu'un, un musulman qui aime sa mère, qui est mushrika, qui l'aime parce que c'est sa mère, il y a un lien de parenté, ça constitue pas, yani, ça constitue ni du shirk, ça constitue même pas une ma'asiya. C'est quelque chose de, yani, comme ils disent, mahabbatun tab'iyya. C'est quelque chose qui est naturel. Par contre, évidemment, il est interdit qu'il l'aime pour son shirk, pour sa religion. Mais ici, ce qui est voulu, c'est vraiment l'amour d'adoration. Hubbu ta'zim wa dhul wa al-khudu', comme il dit ici. Wa al-khudu' 'alayka hubbillah. Donc ça, c'est un amour qui doit être exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa huwa Allah la ilaha illa hu. Ici, les ulama, on sait que ils disent al-ilah huwa al-ma'luh. Ou al-ma'luh, c'est al-mahbub. Ça, Ibn al-Qayyim, souvent, il dit, tawhid, il emploie ces termes-là en disant, tawhid al-mahbub. Tawhid al-mahbub, l'unicité de l'aimer. Non. Donc, nul associé à Allah Jalla wa Ala dans l'adoration, et donc nul associé à Allah Subhanahu wa Ta'ala dans cet amour-là. Et il dit ici, il dit une phrase, ça c'est le genre de phrase chez les ulama qu'il faut bien comprendre. Il dit, et n'importe qui voue une adoration à un autre qu'Allah Jalla wa Ala en désirant ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense, et en ayant peur de son châtiment, alors il l'a pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ce qu'il faut comprendre, quand il dit gharbatan ilay ou rahbatan minh, ça c'est ce que les ulama ils appellent ça. Ils appellent ça wasfun kashif. Yani lil kashf, la lil ihtiraz. Souvent on lit ça dans les paroles de l'ulama. La lil ihtiraz. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ici, le fait que la personne, elle désire, en donnant cet acte ou cette parole d'adoration, en donnant cette parole ou cet acte, le fait qu'il désire la récompense ou qu'il ait peur de son châtiment, c'est pas une condition pour que cette parole ou que cet acte-là voué à un autre qu'Allah, ça devienne une adoration, ça devienne du shirk. Ça, ils disent sifatun kashifa, ça veut dire quoi? Comment on va le voir dans la parole d'Ibn Taymiyyah plus tard, après, Inch'Allah? N'importe qui vaut une adoration, qu'elle soit par la parole ou les actes, ce qui l'a poussé encore une fois, c'est l'amour pour cet autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le désir de sa récompense, ou la peur de son châtiment. C'est quelque chose, c'est un lazim, c'est lié, ou c'est plutôt al-asl. C'est plutôt ça qui l'a poussé à dire cette parole ou à commettre cet acte qui est un acte d'adoration pour un autre qu'Allah jalla wa ala, qui est donc un acte de kufr chez al-sunna wal-jama'a. Parce que sinon, ça veut dire quoi, ça? Si on comprend autre chose, on comprend que le cœur, c'est une condition pour que l'acte ou la parole soit du kufr, là, on va rejoindre la parole de qui? On va rejoindre la parole de l'murji'a et même de l'jahmi'a. C'est-à-dire que... c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la majorité... concernant la majorité des soi-disant chouyours, là qui expliquent la religion aux gens, c'est que... que ce soit le Qubouriyoun ou d'autres qui vont faire des actes auprès des tombes ou auprès d'autres divinités, ils vont dire oui, mais ce n'est du shirk uniquement s'il l'a fait par amour, ou s'il espère sa récompense, ou si, bon, il y en a d'autres qui vont rajouter carrément la croyance, s'il croit que c'est ce le Maqbour Hada, celui qui est dans la tombe, c'est lui qui va lui faire du bien ou du mal, il rajoute ces conditions-là. Or, ces conditions-là, c'est les conditions de qui? De l'Murji'a et de l'Jahmi'a. Parce qu'on sait que al-sunna wal-jama'a, comme on l'a vu dans al-wasitiya, al-iman, qawl wa amal. Quelqu'un qui donne un acte d'adoration pour un autre qu'Allah Jalla wa Ala, que ce soit une parole ou un acte, il est mécroit par cette parole-là ou par cet acte-là, sans chercher à comprendre yani, quel est l'état de son cœur, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il désire sa récompense, est-ce qu'il a peur de lui, est-ce qu'il se soumet à lui, est-ce qu'il y a dhul ou al-mahabba ila akhiri. C'est pas la parole de Al-Sunna wa Jama'a, c'est bid'a. Jusqu'à qu'ils vont à conditionner la croyance et à contredire le Coran. J'en ai entendu un, pas très long, pas si longtemps auparavant. Bon, quelqu'un qui est connu dans le fiqh, un grand savant du fiqh, parmi les mutaakhirin. Mais il le dé, bon, parce que chez les mutaakhirin, on trouve, que ce soit chez le Shafi'iyya ou le Hanabila, on trouve, ils ont des paroles vraiment des fois qui font peur. Il dit que par exemple, dans le manasik du Hajj, à la fin du Hajj, lors de la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tourne vers la tombe. Il dit que c'est une sunna de se tourner vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire: Ya Rasulallah, aghithni. Ou envoyé d'Allah, secours-moi. Et là, c'est une parole de shirk à la base. La parole en elle-même, c'est du shirk. Et il le défend, donc ce soi-disant shirk-là, il le défend en disant: Oui, mais lorsqu'il dit ça, lorsqu'il fait cette dua envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas, il n'a pas la croyance que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va lui faire du bien ou qui va lui faire du mal. Mais c'est un intermédiaire. Et on lui dit: Mais quelle différence entre ce shirk-là et le shirk de Quraysh, le shirk du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres peuples avant lui, de tous les prophètes? Quelle différence? Est-ce que eux, ils ont cru que c'est l'adorer en dehors d'Allah qui détient le bien et le mal? Rien, ça contredit le Coran, du début à la fin. Et que la croyance en la rububiyya de celui qui est adoré, c'est pas une condition. C'est un shirk supplémentaire, mais c'est pas une condition. Quelqu'un qui voue un acte d'adoration par la parole, l'acte ou le cœur à un autre qu'Allah Jalla wa Ala, il a commis le shirk al-akbar. Et il rentre dans ces versets-là. C'est pour ça qu'il faut pas mal comprendre ce genre. On pourrait comprendre que c'est une condition. Celui, il donne. On va aller chercher où yasjud li ghayrillah. C'est pour ça que si on regarde le sujud, on regarde le sujud chez les fuqaha, ils disent que tous les fuqaha, dans le chapitre de Hukm al-Murtad, dans le chapitre de l'apostat, quand ils citent des exemples d'actes qui font sortir de l'islam, ils disent sujud li ghayrillah. Sujud li ghayrillah, le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah. Celui qui va auprès de la tombe, qui se prosterne en direction de la tombe. Le fuqaha, il dit, huwa kafir bil ijma'. Même al-Jahm ibn Safwan, même al-Jahm, il y en a qui rapportent des paroles de lui, celui qui fait ça, il est kafir. On cherche pas à comprendre, est-ce que, mais attends, il s'est prosterné pour le mort, est-ce qu'il avait al-mahabba ou al-dhul? Est-ce qu'il avait cet amour et cette humiliation-là pour le mort qui fait qu'il va sortir de l'islam? Ça, c'est conditionner le shirk et la mécréance par le cœur. Ça a été la croyance de Jahmiya ou de Murji'a. Nous, on dit que son acte, c'est un acte de shirk qui le fait sortir de l'islam. L'état de son cœur, c'est pas, ça nous regarde pas. Ensuite, il ramène les paroles du style où Allah Jalla wa Ala, il a demandé aux anges de se prosterner pour Adam. Ou la femme Youssouf à la fin de l'histoire qui se prosterne pour lui, là, on a envie de leur demander qu'est-ce qu'il fait? Il salue la tombe ou il salue le mort ou batil. C'est que les ulama dans leurs livres, dans les livres de fiqh, toujours ils évoquent toujours ces exemples-là. Sujud ali ghayrillah. Sujud à la base, c'est un acte qui est donné à un autre qu'Allah Jalla wa Ala et juge de qu'il est murtad, sans chercher à comprendre qu'est-ce qu'il avait dans son cœur ou quoi. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce genre de phrase, ou ce genre de... C'est pas des conditions, c'est des... Pour éclaircir l'état de la personne en réalité, quand elle fait cet acte-là, en réalité, ce qui l'a poussé, c'est l'amour, et c'est la crainte et l'espoir, etc. Le cœur, rien. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est une grande règle dans la sharia et chez pour al-sunna wal-jama'a, ce qu'on peut appeler qa'idat al-talazum, le lien et l'implication qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur, inna fil jasad mudra, idha fasadat, fasad al-jasad kullu, wa idha salahat, salahat al-jasad kullu. Le hadith qu'on connaît tous, ça c'est une grande règle qui montre qu'il y a une implication entre l'extérieur et l'intérieur. Et que quelqu'un qui dit une parole de kofr ou qui fait un acte de kofr, il est mécroit par cet acte-là. Même si cet acte-là, effectivement, ou cette parole-là, indique que dans son cœur, il y a un problème. Parce qu'on dit que le cœur, c'est l'asl. Le cœur, c'est l'asl. Et la parole ou l'acte, c'est far, c'est une implication de l'intérieur. Mais il y a vraiment une implication entre les deux. Talazum. Il continue le shir en disant, dans les deux sahih, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le plus grand péché par lequel Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi. Et il a répondu en disant, que tu donnes un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui t'a créé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit shirk, il a donné la définition du shirk. Ça montre que le shirk, ça c'est quelque chose de très important aussi. Ça montre que le shirk, il a un sens bien particulier dans la charia. Le sens du shirk dans la charia, les ulama, ils appellent ça lafdhun shar'i wa haqiqatun shar'iyya. On trouve ça dans les livres de usul. Parle de haqiqatun lughawiyya. Donc le mot, il a un sens dans la langue arabe, haqiqatun. Shar'iyya, il a un sens bien particulier dans la législation, et parle de haqiqatun aussi urfiyya, c'est-à-dire que des fois, le mot, il peut avoir un certain sens dans ce que les gens ont l'habitude, un sens qui est particulier à l'habitude des gens, c'est-à-dire que les gens, ils ont eu l'habitude d'utiliser ce mot-là pour dire telle ou telle chose bien particulière, mais c'est quelque chose qui est entre eux. Yani. Ici, on dit le shirk, il a une haqiqa shar'iyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a été questionné aussi sur les grands péchés, il a répondu autrement. Hadith, il est dans Sahih aussi, il a dit al-ishraku billah wa uququl walidayn. On a déjà tous lu ce hadith aussi, al-ishraku billah wa uququl walidayn. Et la question, elle était plus similaire, sauf c'est rapporté par un autre compagnon. Mais quels sont les plus grands péchés? Al-ishraku billah. Là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé l'afz de shirk. Shirku billah. Et dans le hadith là, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas utilisé le mot shirk, mais il a donné son sens. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ça, c'est le sens du shirk dans la sharia. Quelqu'un ne peut pas venir expliquer le tawhid, ou le shirk, ou l'islam, ou l'iman, ou l'ihsan comme il veut. Parce que ça, c'est des mots, donc alfaz shar'iyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué lui-même dans son livre, comme le tawhid, comme on en a parlé depuis qu'on lit ce livre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique le sens du shirk. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Ici, il y a deux paroles concernant ce verset-là. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Ashaddu hubban lillah » Ici, il dit « Min ashabil andad li andadihim »« Min ashabil andad li andadihim » C'est-à-dire que les croyants aiment Allah Jalla wa'ala plus que les kuffars aiment leur divinité. Et pour leur amour pour Allah Jalla wa'ala, ou à cause de leur amour pour Allah, et dû à cause de leur connaissance totale d'Allah Jalla wa'ala, ils ne lui associent rien, ni par la parole, ni par les actes, ni par le cœur, mais ils l'adorent lui seul. Donc là on voit, il a cité deux choses, al-hub ou al-ma'rifa. Comme on l'a dit, comme les ulama disent, si on veut, l'ordre des choses, il est le suivant. Quelqu'un qui connaît Allah Jalla wa Ala, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'aime pas ce qui est adoré en dehors de lui, puisqu'il sait que ce qui est adoré en dehors de lui n'a pas les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour mériter cet amour-là. et pour mériter la peur, la crainte, etc. Donc c'est la connaissance d'Allah qui pousse aux actes du cœur. Al-ma'rifa, ou on peut dire aussi al-tasdiq ou al-ma'rifa. Pas de différence vraiment entre les... Quand le Jahmiya, il disait, Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il dit, il y en a qui disent, chez les gens de la bid'a, lorsqu'ils disent al-iman huwa al-tasdiq, ça on sait que c'est une parole de Jahmiya. Donc la foi, c'est simplement le fait de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ouais, c'est un envoyé, c'est un messager, il a été envoyé de la part d'Allah. Là, ça c'est l'iman. Ensuite, tu pries pas, tu jeûnes pas, tu fais rien, un tel mu'min. Il y en a d'autres, ils disent huwa al-ma'rifa, c'est la connaissance. Ibn Taymiyyah, il dit, il n'y a pas de différence entre les deux choses. Al-ma'rifa wa al-tasdiq. Cette connaissance-là, c'est pour ça que les salaf, ils appellent ça al-tasdiq al-khas. On trouve chez les paroles des salaf, des fois certains, ils disent al-iman huwa al-tasdiq. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il parle de ce qu'on appelle tasdiq al-khas. C'est-à-dire, c'est le fait de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir une vraie croyance certaine, ça va forcément, ça va impliquer, c'est un lazim, darouri, comme ils disent, c'est un lazim, ça va impliquer l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui connaît Allah, azzawajal, quelqu'un qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, il va aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui va aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, il va obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, par la parole et par les membres. Donc on voit que le sens des choses, il est comme ça. Les gens, ils connaissent Allah, subhanahu wa ta'ala, les croyants, ils connaissent Allah. Et là, les ulémas, c'est pour ça que les ulémas, ils disent que une personne, pour augmenter son iman, et pour augmenter d'une manière globale, les ulémas, ils disent que l'iman yazid ou yanqus. On l'avait vu, ça aussi, c'est un des piliers de la foi, mais de la croyance. De Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est asl parmi les usul de Al-Sunnah wal-Jama'a, Al-Iman, Qawl wa Amal, ça c'est une chose, wa yazid wa yanqus, ça diminue et l'augmente. Ensuite on dit qu'Al-Iman, Qawl wa Amal, donc c'est une croyance, une parole de la langue, des actes du cœur, des actes des membres. Comment est-ce qu'on peut augmenter Al-Ma'rifa wa Tazdiq? Est-ce qu'on peut augmenter Al-Ma'rifa, la connaissance wa Tazdiq? Les ulama ils disent oui, parce que sinon. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait différents niveaux de foi, ça concerne pas seulement les actes et les paroles, donc celui qui fait plus d'actes qu'un autre, etc. Ça concerne aussi le cœur. Les actes du cœur et à la base, le tasdiq. On peut pas dire que le tasdiq de Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est le tasdiq de Fulan ou de Allan. Ça, le professeur sallam, il l'a appelé Abu Bakr, as-siddiq. Ou as-siddiq, c'est quelqu'un qui est sadique en lui-même, comme on l'avait vu, c'est quelqu'un qui est véridique en lui-même, mais c'est quelqu'un qui kathratut tasdiq. C'est un mot pour montrer qu'il a beaucoup de sidq, de véracité pour lui-même en lui-même. Il dit la vérité, mais il a beaucoup aussi kathratut tasdiq. Il rend véridique plus que les autres. Donc on voit bien que tasdiq, c'est quelque chose qui a des degrés aussi. Et que les ulama, ils disent que pour augmenter le tasdiq, il y a deux manières. C'est-à-dire pour augmenter la connaissance d'Allah, soit en étudiant ses noms et ses attributs, soit en observant la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La perfection et l'ordre dans la création d'Allah, jalla wa ala, c'est quelque chose qui augmente la connaissance du serviteur pour son Seigneur et qui va augmenter forcément, comme on l'a dit, de manière qui va impliquer forcément une augmentation des actes du cœur, de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, de l'espoir de sa récompense, etc. Donc ça, c'est l'ordre des choses. C'est ici la cité le hub ou le ma'rifa, l'itamam le hub ou le ma'rifa. Et donc le croyant, lui, il n'associe rien à son Seigneur et il ne voue pas cet amour-là qui ne doit être voué qu'à Allah, à un autre qu'Allah. Parce qu'il connaît Allah. Tamam al-ma'rifa. Ensuite, Allah, Jalla wa ala, il a, après avoir cité ça, il a menacé les mushrikines. Donc ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah, en les aimant comme on aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, et lorsqu'ils verront ceux qui ont وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Ici, il y a une faïda importante. Allah Jalla wa Ala, depuis le début du verset, donc de Surat al-Baqarah, il dit, donc, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ إِلَى آخِرِهِ. Et là, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظَلَمُوا, il parle de qui? C'est ظَلَمُوا des mushrikins, ceux qui ont donné des associés à Allah, en les aimant comme on aime Allah. Allah, il les a appelés ظَلَمُوا. Ça montre que ظُلْم, dans le Coran, des fois, ce qui est voulu, c'est le grand shirk, ou le grand zulm, le grand shirk, la grande mécréance. Pas forcément le zulm, c'est-à-dire le fait de commettre une injustice envers quelqu'un d'autre, ce qui ne constitue pas une grande mécréance. Mais ici, on voit que ce qui est voulu, comme dans le verset de Sourate Al-Luqman, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ou dans Sourate Al-Baqarah, avant l'ayat Al-Kursi, wal kafiruna humu dhalimun. Donc on voit que zulm ici, quand on dit walau yara alladhina zalamu, c'est-à-dire les kuffar. C'est-à-dire lorsque les kuffar, ils verront le châtiment. Lorsque les kuffar, c'est le sens du verset. Ici, law yara, law yadullu ala alwuqu'. C'est-à-dire que lorsque les koufars vont voir le châtiment, ils sauront que la force appartient à Allah Jalla wa Ala et que lui seul méritait cet amour-là. Inna Allaha shadidul azab. Allah Jalla wa Ala est dur en châtiment. Ça est dit, s'ils savent, s'ils savaient, et ils sauront, ce qu'ils y verront, c'est-à-dire dans le châtiment, et ce qui les touchera comme châtiment douloureux et avilissant, s'ils savaient ça, ils stopperaient directement ce qu'ils font. Et si le kafir, il savait ce qu'il l'attend comme châtiment, il stopperait ce sur quoi il est et il se soumettrait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le waqala al-musannif wa rahimahullah ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله قال المصنف صديق الشيخ رحمة الله عليه محمد dans كتاب توحيد à la fin du chapitre c'est qu'il écrit des مسائل des فوائد. Il dit, Allah Jalla wa Ala, il a évoqué que ceux-là aiment leurs idoles comme ils aiment Allah. Kahubbillah. C'est-à-dire, il dit quoi? Il dit, ça montre que ces mouchriquins-là, comme c'était le cas de Quraysh ou d'autres, ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'ils lui donnaient des adorations, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par le tawaf, par la sadaqa, par un tas d'adorations, par le dhabh, le sacrifice, par plein d'adorations. C'est-à-dire que même avant le bi'tha, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il soit envoyé par Allah, d'abord à son peuple puis à tous les hommes, c'est des gens qui ont, on sait que c'est des gens qui pratiquaient le hajj. Et que encore les tribus arabes de toute la péninsule se rendaient à Mecca pour faire le Hajj. Donc, c'est des rites qui étaient restés de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ou dhabh, le fait de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que, on a vu dans la sira que souvent c'était quelque chose que des fois ils faisaient des vœux de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, c'est des actes d'adoration qui étaient restés. Mais, on sait aussi qu'ils ont voué ces actes d'adoration et qu'ils ont aimé leur divinité comme on aime Allah Jalla wa Ala, c'est-à-dire un amour de ibad, ta'zim. Donc ça montre qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala aussi. C'est ça, en réalité, ça là-bas, c'est ça le sens du shirk. Le shirk, c'est on adore Allah, mais on adore un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On aime Allah subhanahu wa ta'ala et on aime un autre qu'Allah. C'est la définition du shirk. Il dit, qu'en est-il? Et cet amour-là, il dit, ne les a pas fait rentrer en islam. C'est-à-dire que d'une manière globale, le fait d'adorer Allah, ça ne suffit pas. Ça, c'est ce que l'ithbat, l'affirmation, ça suffit pas à faire rentrer une personne dans l'islam tant qu'elle n'a pas réalisé un nafi. Le fait de rejeter toute autre divinité et toute autre adoration vouée à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut les deux, nafi ou l'ithbat. Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, at-tawhid wa l'ifrad. Et pour réaliser l'ifrad, il faut deux piliers, un nafi ou l'ithbat. Un tawhid sans affirmation, c'est pas un tawhid. La personne, elle n'adore pas Allah. Et un tawhid sans négation, sans rejet du shirk, ce n'est pas du tawhid non plus. Mais c'est le shirk. Il dit alors, qu'en est-il de ceux qui aiment leurs idoles ou leurs ma'boud plus qu'Allah Jalla ou qui aiment carrément que leurs idoles et qui n'aiment pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas à ces époques-là. Plus on avance dans le temps et plus ces choses-là, elles sont vraies. Comme ils disent, si tu demandes à ces mouchriquins-là de jurer sur quelque chose qu'il a fait, par exemple sur un mensonge, il va jurer par Allah, il le fera. Tu lui demandes de jurer par le wali, le fulani, le maqbour, quelqu'un de jurer par le saint qui est enterré dans la tombe, de jurer sur son mensonge, il le fera pas, il a peur. Le shirk akbar. Et on voit qu'il a plus de ta'zim et plus d'amour pour celui-là par qui on lui a demandé de jurer que pour Allah. Il n'a pas peur de jurer par Allah en faisant un mensonge. Mais il a peur du wali. Allah al-musta'an. Faman ashraka ma'allahi ghayra fil mahabbati faqad ja'alahu sharikan lillahi fil ibada wattakhadha niddan min dunillah. وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه لقول وما هم بخارجين من النار. Et donc celui qui associe à Allah Jalla wa Ala dans cet amour-là, c'est-à-dire l'amour d'adoration, il a mis un égal à Allah Jalla wa Ala dans l'adoration, même dans la base de l'adoration. Et il l'a pris comme égal à Allah. Et celui qui commet ceci, ou ceci est le shirk qu'Allah Jalla wa Ala ne pardonne pas. Dans le verset où Allah dit, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والفرسي والله يدي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار ولوسك الله سبحانه وتعالى يدي وسي ولقد أوحي إليك يعني يا النبي يا محمد لئن وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Ce shirk-là, ce shirk akbar, qui celui qui le commet, il annule sa religion. C'est ce qu'on appelle ça naqid. Naqid min nawaqid l'islam. Naqid, ça contredit. C'est que un naqidan, quand les ulama disent naqidan, c'est deux choses qui ne peuvent pas se rassembler. Qui ne peuvent pas se rassembler et qui ne peuvent pas non plus être absentes en même temps. C'est-à-dire que soit on trouve chez une personne le shirk ou on trouve le tawhid. On ne peut pas trouver le tawhid avec le shirk, mais de la même manière, c'est pas possible de trouver ni l'un ni l'autre. La personne, elle est soit mouahid, soit mouchrik. C'est un naqidan. Shirk wa tawhid naqidan. Ils disent, la yajtami'an wa la yartafi'an. On trouve forcément l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Et ici, il dit, wal murad mahabbatu ta'alluh. والتعظيم المختص برب العالمين. Encore une fois, il faut bien comprendre que l'amour qui est voulu, comme il le dit ici, c'est mahabbatu at-ta'alluh. At-ta'alluh. Ça, on dit la ilaha illallah. La ilaha. Les ulama disent la ma'aluh. Ou le ma'aluh ou le mahboub. Comme ils disent, le ma'aluh, c'est celui qui est aimé. Mais par cet amour-là. Hubbu at-ta'zim wa khawf wa raja. Parmi tous les actes du cœur. C'est cet amour-là. La glorification. Ce qui est réservé à Allah Jalla wa Ala. Il dit التي هي إحدى القاعدتين اللتين عليهما مدار العبادة كما قال ابن القيم. Qui est une des deux bases de l'adoration. On a dit il y a deux bases. Cette adoration-là, elle a deux bases. L'adoration, elle a deux bases. الحب والذل. L'amour, ouais, et le fait de s'humilier, de se rabaisser pour Allah Jalla wa Ala, Ibn al-Qayyim, il a mis, dans son poème Mnouniya, il a cité quelques bayt là-dessus. Il dit وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه هما قطبان. Et l'adoration du tout miséricordieux, c'est le sommet de l'amour avec l'humiliation. مع ذل عابديه هما قطبان. C'est deux axes, deux bases. Le حب والذل. Et après il dit, il a dit, ليس العبادة غير وليس العبادة غير يعني خبر ليس ليس العبادة غير التوحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. Il dit le tawhid dans l'adoration ou l'adoration ce n'est rien que quoi que le tawhid dans l'amour. Tawhid comme on a dit avant tawhid al-mahabba ou des fois il dit tawhid al-mahboub. Le fait de donner cet amour-là qu'à Allah Jalla wa'ala. Et accompagner, comme il dit, khudu' al-qalb wal-arkani. Wal-arkani. Avec la soumission du cœur et des membres, yani. C'est-à-dire que ces actes du cœur-là, encore une fois, ils doivent pousser la personne à obéir à Allah Jalla wa'ala. Quelqu'un qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Par la parole et les membres, c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé le khudu' bil-qalb. C'est quelqu'un qui n'aime pas et qui ne craint pas Allah Jalla wa'ala par son cœur, comme le professeur sallam dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Les ulama comme Ibn Taymiyyah, ils citent souvent ce verset-là. Ils citent souvent deux textes. Le hadith qu'on a cité avant, inna fil jasadi mudra idha salahat salahal jasad kullu. Et ce verset là, wa minan nas in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Ça c'est pour établir cette fameuse règle qa'idat at-talazum. C'est-à-dire le lien, l'implication qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Si l'intérieur il est sain, l'extérieur il est sain. C'est une implication obligatoire. Daruria. Ici, il n'a pas mis Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Il a une parole qui rejoint ce qu'on a dit avant, où il dit, donc le shir, il dit, فَمَنْ غَارِبَ وَفَمَنْ رَغِبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك. Il dit quelqu'un qui va vers un autre qu'Allah Jalla wa'ala, quelqu'un qui va vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donner ce qu'il désire, son besoin, ou pour effacer, ou pour repousser un mal, ou c'est-à-dire pour guérir d'un mal, ou repousser un mal. Il dit ça implique, lazim, comme on a dit, c'est lazim, une implication, ça implique forcément quoi? Que cette personne-là, elle l'aime, celui à qui elle s'est adressée. Et que son amour pour celui à qui il s'est adressé, il dit c'est la base là-dedans. Men rariba ila ghayrillah fi qada'i haja, pour résoudre un de ses soucis ou pour répondre pour comment dire qada'i haja, c'est-à-dire pour lui donner ce dont il a besoin. Il a un besoin, il a besoin de quelqu'un pour lui donner, il va le demander. Aw tafrij kurba, c'est-à-dire qu'il a été touché par un mal et il veut que cet autre qu'Allah dissipe ce mal. Il dit celui-là, lazima. Lazima, ça implique forcément qui en yakuna muhibban lahu. Ça implique forcément qu'il aime cet autre vers qui il s'est dirigé, en dehors d'Allah Jalla wa'ala. Ici, ce qui est visé, évidemment, c'est cette mahabba. Mahabbat al-ta'alluh wa ta'azim al-khudu'. C'est cet amour d'humiliation, de glorification pour un autre qu'Allah Jalla. Il dit même wa mahabbatuhu hiya al-asl fi dhalik. Et son amour pour cet autre, c'est la base dans son shirk. C'est son amour pour cet autre qui l'a poussé à aller lui demander des choses que seul Allah peut lui donner. Donc l'ordre des choses, il est là. Le cœur, c'est le maître en quelque sorte. Malikul A'da, comme certains disent. Il dit, « Wahada huwa alladhi a'tarafa bihi al-mushrikoun. وهم بين أتباق الجحيم أنهم صاروا في الجحيم بسبب حيث قالوا إذ نسويكم برب العالمين ومن المعلوم أنهم ما سووهم به في الخلق والتدبير إنما سووهم وساووهم به في هذه المحبة فدلت الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك شرك الأكبر المنافي للتوحيد فإذا عرفنا أن هذا شرك فالتوحيد ضده وهو أن يفرد ويفرد الرب بهذه المحبة المختصة التي هي التوحيد وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيره والشهادة أن لا إله إلا الله وما محبة الملائمات وهي المحبة الطبيعية فلا تكون شركا ويأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. Non. Il dit, et ceci c'est ce qu'ont avoué les mouchriquins, alors qu'ils sont, ou ce qu'avoueront les mouchriquins alors qu'ils sont dans le feu. Lorsqu'ils diront, id nous sawwikum bi rabbil alamin, c'est-à-dire qu'ils vont s'adresser à leur divinité en leur disant, id nous sawwikum bi rabbil alamin, alors que nous vous mettions à l'égal d'Allah Jalla wa'ala. Ils ont mis Allah subhanahu wa ta'ala et leur divinité à égal, semblable. Il dit, ce qui est connu, comme on l'a dit avant, ce qui est connu, c'est que ces mushrikoun-là, même si aujourd'hui il y en a certains qui ont atteint leur shirk, il a atteint le shirk dans Rububiya, chez le Quburiyin, il y en a certains qui se rendent auprès des tombes et qui invoquent le Wali Fulen et qui croient vraiment que c'est le Wali qui va l'aider. Que le wali, il détient le pouvoir de faire du bien et de repousser un mal. Mais ce n'est pas la croyance, c'était pas la croyance, en tous les cas, des mouchriquins d'antan. Et surtout pas ceux de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque ça, c'est rejeté par le Coran. Le fait qu'ils croyaient en la rububi, en la seigneurie de leur divinité. Mais ils les ont mis à l'égal en faisant quoi? En les aimant. Comme on aime Allah, et en leur vouant toutes sortes d'adorations. Et donc, ce verset-là, il nous montre quoi? Il nous montre que celui qui voue cette sorte d'amour-là à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis le shirk, mais le shirk akbar. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ils ne sortiront pas du feu. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. Ici, si on fait un peu de grammaire, on sait que ça, c'est Jumlatun Ismiya. Jumlatun Ismiya tadullu ala al-dawam. C'est-à-dire, ça indique sur quelque chose qui va durer. Ils ne sortiront jamais. Wa ma hum bi kharijin. Le ba ici, on appelle ça harf jar zaid. C'est-à-dire, c'est harf jar, on l'a rajouté. Là-bas, c'est wa ma hum kharijin. Si on rajoute le bi, c'est encore pour encore appuyer. Vraiment, ils sortiront jamais. Khlas. Comme dans le verset où Allah dit annahuma yushrik billah faqad harram Allahu ala al-janna. Janna il est haram. Il ne peut jamais rentrer. De la même manière, il ne peut jamais sortir du feu. Il n'y a pas de menzila baina al-menzilatayn. C'est soit le feu, soit le janna. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que cet amour-là, l'amour de glorification et l'amour d'humiliation, c'est le fait de vouer, le tawhid, c'est le fait de vouer cet amour-là à Allah Jalla wa Ala seul. Et encore une fois dans ce verset-là, comme il l'a fait le shir pour la dua et pour al-ta'a, pour l'obéissance, il a expliqué la ilaha illallah parce qu'il le contredit. Il nous a montré ce que c'est le shirk dans l'amour. Et que le fait de vouer l'amour à un autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Et donc, le fait de vouer cet amour-là qu'à Allah, Jalla wa'ala, c'est ça le tawhid. Donc, c'est tafsir shay bi diddihi. Le fait d'expliquer une chose en montrant ce qu'il le contredit. Comme il l'a fait pour la dua. Il a montré que la dua à un autre qu'Allah, Jalla wa'ala, c'est du shirk. Et donc, le fait de n'invoquer qu'Allah, c'est ça le tawhid. Et à la fin, il dit, quant à l'amour, donc comme on l'a dit précédemment, de ce qui est naturel, comme la ulama cite par exemple l'amour d'une personne assoiffée pour l'eau fraîche, ou l'amour, encore une fois, d'un père pour son fils, ou l'inverse, ou d'un homme pour sa femme, ou d'un frère, d'un musulman envers son frère, etc. Ça, c'est des amours, évidemment, qui ne sont pas du shirk. Ça rentre pas dans cette sorte d'amour-là. Mais ça rentre dans l'amour, ce qu'on appelle l'amour tabi'i. C'est quelque chose qui est naturel. Ici, si on sort l'amour du musulman pour son frère, puisque ça, c'est quelque chose qui rentre dans la religion, et c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est même qui touche à la base de la religion, puisque le musulman doit aimer son frère pour son islam de la même manière qu'il doit détester le mushrik pour son shirk. Donc ça c'est concernant le shirk fil mahabba, le shirk dans l'amour. Le shirk ensuite, il va citer le hadith donc rapporté dans Sahih Muslim. Il dit « Wafi Sahih » عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Donc ça c'est rapporté par un imam musulman.